Voilà, ce CD a été fait pour pouvoir exprimer la joie et le bonheur qu'il y a dans mon cœur. Parce que le seul qui a pu me rendre heureux, c'est le Fils de Dieu, le Christ. Je vous souhaite de rencontrer Jésus-Christ. Et j'aimerais vous chanter ce cantique merveilleux de ce que j'étais. Une brebis perdue, voilà ce que j'étais. L'instrument corrompu qui est l'humanité. Mais un jour dans mon cœur, Jésus s'est révélé. Il est entré à moi. Jésus s'est révélé, il est entré à moi, il m'a éclairé. Mes anges rient, c'est Jésus qui vit à moi, alléluia. Je n'ai plus besoin de rien, seulement de Jésus, pour qu'il vit à travers moi, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, celui qui m'a sorti de la puissance du péché, et aujourd'hui il a fait de moi son fils. Et si tu viens à lui, un jour tu auras la vie. Car pour nous racheter, il s'est fait crucifier. N'endurcis pas ton cœur, mais laisse aller.